Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Alors, comme vous venez de l'entendre, je vais partager quelques versets avec vous aujourd'hui. Alors, ayant des docteurs et des pasteurs chevronnés, je me demande qu'est-ce que je peux bien dire vraiment à cette assemblée, qui d'ailleurs est adhérée dans la lecture de la parole. Alors, donc, mais ceci dit, comme la parole de Dieu nous dit, chaque fois que nous ouvrons la Bible, nous n'allons pas lire sans recevoir quelque chose. Alors c'est pourquoi nous allons néanmoins aller lire quelques versets. Je vais poser une question d'abord pour commencer. Alors, je sais que les enfants aiment jouer au ballon. Alors, pour ceux qui sont bons en mathématiques, vous allez nous aider. Alors, je n'aime pas les maths, mais bon. Alors, j'imagine un ballon qui a un diamètre de 3 mètres. Un ballon qui a un diamètre de 3 mètres. Donc, certainement, j'imagine quand même que le rayon, c'est 1,50 m. Voilà. Alors, on imagine un tel ballon bien gonflé et on vous dit, bon, je ne sais pas qui aime, voilà, Draman, vous aimez jouer au foot. Vous aimez jouer au foot. Alors, vous aimez vraiment le ballon et alors vous allez faire l'expérience. Alors, on vous demande de faire entrer le ballon par cette porte qui est là. Quelle sera votre réaction? Pardon? Cette fois-ci, on n'a pas le droit de nous déconfler. Qu'est-ce qu'on fait? Non, on ne peut pas le casser ni le déconfler. Oui? La position qui convient. Okay. Oui? Ok. Donc voilà, j'avais bien dit au départ que les mathématiciens vont nous aider. Alors, je ne connais pas trop la distance, mais je pense que normalement ça fait 1,20 m, la largeur de la porte. Alors, donc, j'imagine que ça va être quand même difficile de faire entrer un ballon qui a un diamètre de 3 mètres à cette porte-là. Alors, donc, je vais laisser comme ça, nous allons continuer. Et peut-être vous aurez la réponse à la suite. Ok, nous allons prier avant de lire le passage. Prions. Tendre Père, nous sommes contents d'être dans ta maison. Oui, Seigneur, tu dis que ta parole ne revient pas à toi sans avoir accompli son effet. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous voulons lire ta parole ce matin et nous prions que dans ta grâce et par ton Esprit Saint, tu nous aides. Que tu nous éclaires afin que nous puissions, oui, au sortir de ton temple, garder quelque chose dans nos cœurs qui puisse nous édifier pour la marche avec toi, au nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, notre passage se trouve dans Exode. Nous allons lire Exode 17, le verset 1 à 7. Exode 17, verset 1 à 7. Bon, nous allons lire avec utiliser la version du pasteur. S'il y a quelqu'un qui a français courant. Autrement, moi, nous allons lire la version 8 secondes. Vous s'aimez? Hein? Français courant, vous s'aimez? Semeur. Semeur 2015. Verset combien? Exode 17, verset 1 à 7. Toute l'assemblée des Israélites s'éloigna étape par étape du désert de Sin selon les directives de l'Éternel. Ils campèrent à Réphidim, mais ils ne trouvèrent pas d'eau à boire. Alors le peuple prit Moïse à partir en lui disant « Donne-nous de l'eau à boire !» Moïse leur répondit « Pourquoi me prenez-vous à partie? Pourquoi voulez-vous forcer la main à l'Éternel ?» Pressé par la soif, le peuple se plaignit à Moïse et dit « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir de soif ici, nous, nos enfants et nos troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant « Que puis-je faire pour ce peuple? Ils sont sur le point de me lapider. » L'Éternel dit à Moïse « Passe devant le peuple et emmène avec toi quelques responsables d'Israël. Prends à la main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Quant à moi, je vais me tenir là devant toi sur un rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, de l'eau en jaillira et le peuple prendra. » Moïse fit ainsi en présence des responsables d'Israël. Il appela ce lieu Massa et Meriba, épreuve et querelle. Parce que les Israélites l'avaient pris à partie et parce qu'ils avaient voulu forcer la main à l'Éternel en disant « L'Éternel est-il oui ou non au milieu de nous ?» Amen. Merci pour la lecture. Alors, après avoir lu le texte qui sera, en tout cas, sur lequel notre réflexion sera tournée ce matin, je m'en vais tout de suite vous donner ce que j'ai proposé comme thème. J'ai proposé comme thème à ce passage la traversée du désert. Alors, pour un peu donner un aperçu de ce livre, il faut dire que le livre de Exode est attribué à Moïse, qui est comme un des livres des cinq livres, donc le Pentateuque que Moïse a écrit. Et ainsi, il faut aussi donner comme information que c'est un livre qui a. Les événements se passent aux années 1446 avant Jésus-Christ. Alors, à partir de. Donc, soit plus ou moins deux ans et demi après la sortie d'Égypte. Donc, ça, c'est bon. Ça vous donne un peu une idée de la situation en cause. Alors, donc, ils avaient quitté l'Égypte il y avait à peu près deux ans et demi, et qu'ils étaient au lieu où les événements se déroulent. Et il faut dire aussi que le livre d'Exode est. C'est un livre vraiment qui est comme un peu bien le fondement donc de, j'allais dire, la foi israélite et même et plus ou moins même de la foi chrétienne. Donc, si on sait bien que l'histoire du peuple d'Israël, André Griff commence avec plus ou moins la sortie. Parce que c'est en ce moment qu'on va commencer à voir toutes les épreuves qu'ils ont en tout cas traversé jusqu'à arriver dans la terre promise. Alors, et la sortie d'Égypte est un événement aussi capital qui permet de situer l'histoire donc, des enfants d'Israël. Parce que avec cette sortie, c'est comme on le dit dans le langage courant, ils vont apprendre à voler de leurs propres ailes, à prendre des décisions d'eux-mêmes et en tout cas à tout ce que vous allez un peu imaginer, qui, en lisant le livre d'Exode, on traverse, on peut voir tout ce que ce peuple a traversé pendant ces moments dans le désert. Alors, le livre aussi présente l'alliance conclue par Dieu avec son peuple, surtout présente et surtout aussi les alliances les dispositions qui sont présentes dans cette alliance. À savoir la décalogue, quand disons le décalogue, quand vous prenez le peuple, c'est quand le peuple a juste dépassé le passage que nous venons de lire, que en tout cas on va lui donner les 10 commandements. Donc ça permet de voir quelle est l'alliance qui a été traitée entre Dieu et ce peuple. Et à partir de ce moment, on peut bien comprendre, comme je l'ai dit, le livre de l'Exode aussi, et les raisons, toutes les raisons qui ont expliqué donc toutes les tournures que le peuple a eu à connaître avant d'arriver dans la terre promise. Et nous allons revenir maintenant à un peu à notre histoire, et en pensant à un peu, surtout en ayant toujours en tête que ce sont les Israélites, et surtout, ils sont dans le désert. Et alors, je ne vous apprends rien si je dis que chaque fois qu'on parle des enfants d'Israël, et on parle maintenant de leur séjour dans le désert, on pense juste à la durée, c'est-à-dire combien de temps cela a duré. Et tout de suite, tout le monde a en tête que c'est 40 ans. Alors on dit que les enfants d'Israël ont fait 40 ans dans le désert. Ça, c'est, on nous apprend ça déjà même dans l'école, à l'école du dimanche. Et alors, donc, ayant un peu décrit ce que c'est que, enfin, dans quel environnement donc, on se trouvait, et dans ce passage, nous pouvons maintenant commencer à voir qu'est-ce que, en réalité, on peut constater dans les écrits qui viennent que nous venons de lire. Alors, donc nous allons revenir au premier verset. On dit que toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors, en lisant ce verset, voilà, on nous donne un certain nombre d'informations. Et j'ai vraiment aimé la version du Semer qui dit que le peuple s'éloignait petit à petit. C'est ça qu'ils ont utilisé. Voilà. Alors, on voit effectivement dans la version Louis Segond, on n'a pas ces détails. Alors, c'est pourquoi donc la nécessité aussi d'avoir beaucoup de versions. Et ça aide vraiment à comprendre certains détails donc du passage qu'on lit. Alors, on dit que le peuple est parti. Et qu'est-ce qu'on nous fait voir ici tout de suite? C'est le problème d'eau. On dit que le peuple a trouvé, c'est comme ils ont campé autour du Rephidim. Et à ce niveau, il y a un problème qui se pose, c'est le manque d'eau. Donc, j'ai dit que on était déjà dans le désert. Donc, on imagine que quand on dit désert, déjà, c'est un lieu aride. Et bon, donc, ça, c'est pas surprenant quand on dit que le peuple manquait d'eau. Alors, mais ici, le peuple n'ayant pas d'eau, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je vous ai demandé d'abord de me faire passer le ballon à travers cette porte. Alors, et certains de mes mathématiciens ont dit que c'est pas possible, que c'est impossible dans l'air. Donc, moi, je ne fais pas les maths, je ne sais pas ce que ça veut dire au juste, mais ça veut dire qu'on ne peut pas le faire. Okay? Donc, et le peuple est dans une situation où il ne sait pas où donner la tête. Parce que si le voisin en a, on peut aller demander. Mais si je n'ai pas d'eau et mon voisin n'en a pas, alors, et finalement, tout le quartier n'en a pas, et tout Ouagadougou n'en a pas, ah. Maintenant, ça devient, comme on l'a dit, un problème avec multiples inconnus, et voire aux solutions impossibles. Alors, c'est le peuple donc était confronté à ce genre de problème, et ainsi, il va faire une demande. Et naturellement, la demande, nous l'avons lu dans le verset 3. Alors, la demande est normale. puisqu'il nous faut de l'eau pour boire. Naturellement, chacun s'est réveillé le matin. Il a utilisé, quelle que soit la quantité, je ne sais pas, mais en tout cas, tout le monde a utilisé l'eau avant de venir. Donc, c'est un besoin humain, vital et capital d'ailleurs pour la vie. Donc, le peuple n'avait pas cette eau. Alors, le peuple va exprimer le besoin. Et on voit que le besoin a été exprimé un peu de façon un peu, j'allais dire, radicale. Donc, je vais même inviter à ce qu'on lise le passage là encore. Alors, je vais lire. Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous a-t-il fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif avec nos enfants et nos troupeaux? Donc, voyez que tout de suite, le peuple a adressé une demande. Et la demande, c'était à qui? C'était pas à Dieu, mais c'était à Moïse. On lui demande de donner de l'eau à boire. Parce que c'est Moïse qui les a fait sortir du pays d'Égypte. Alors, en Égypte, je peux imaginer une conversation en juillet qui était, entre autres, que je suppose que Paulin a des chameaux, et Vendémir, lui, il a des enfants, et puis probablement Martine a une chatte, comme énormément les Occidentaux aiment les animaux de compagnie. Alors, et j'imagine que le pasteur aussi, lui aussi, il va dire que, bon, on n'a pas mentionné dans le passage, on n'a pas mentionné la femme, mais lui aussi, il va dire que, mais tu ne peux pas faire sortir ma femme pour la faire sortir comme ça. Donc, on imagine toutes ces personnes en train de dire à Moïse. Alors, donc, Paulin va dire, mais est-ce que c'était pour me rendre vraiment misérable ou c'était pour m'appauvrir que tu as choisi de me faire sortir du pays d'Égypte? Malgré ma présence en Égypte et les difficultés que je vivais, j'avais au moins de l'eau à boire. Mes animaux au moins étaient en paix, même si moi je souffrais. Et Wendemi qui va dire, alors là, c'est pas possible. Moi au moins je peux te repasser, mais pas mes enfants. On a besoin de préparer une progéniture. Et Martine qui va dire, mais ah, tu vois, j'ai ma chatte que j'aime bien. Et je ne voulais pas m'en dépasser d'elle. Et de ce fait, je ne peux pas comprendre que Moïse, tu puisses nous envoyer dans ce désert pour souffrir ainsi. Et voyons, si ma chatte arrive et en meurt, alors tu seras responsable. Et le pasteur se tourne vers Moïse et dit la même chose. Tu vois, je n'arrive pas à te comprendre, toi, Moïse. Depuis que nous sommes dans ce peuple d'Israël, d'Égypte, nous avons beaucoup souffert, nous avons passé beaucoup d'épreuves, mais nous avons quand même survécu. Et nos femmes vivaient tranquillement, parce que même avec la souffrance qu'on vivait, on avait au moins de l'eau à boire et on avait à manger. Ah, Moïse, tout perdu. Alors, la question qui se pose, mais est-ce que Moïse a attrapé la main de quelqu'un pour le pousser à faire sortir d'Égypte? Non. Il a donné un message et les gens ont obéi. Alors, lui, il est dépassé par les questions et les murmures. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et Moïse a toujours le bon réflexe. Et parce que quand on voit la conversation qu'il a eue, je peux dire encore dans le désert, avant même qu'il n'accepte vraiment venir à conduire le peuple, il avait dit qu'il a la parole difficile. Alors, mais Dieu lui a dit qu'il sera devant lui. Et je pense que Moïse a gardé cela à l'esprit. Et c'est pourquoi Moïse revient enseignement en disant, et dans le verset 4, on dit quoi? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je avec ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. Alors, Moïse craignait vraiment pour sa vie. Parce que on était arrivé à un point où on était prêt même à lui ôter la vie pour les avoir mis dans cette situation où ils n'avaient pas d'eau pour boire. Mais je l'ai dit, la réaction de Moïse m'a plu. Moïse, dans ce passage qu'on a lu, on ne voit pas une partie où il a riposté avec des paroles vraiment dures. Mais il s'est tourné vers l'Éternel et il a posé une question très pertinente à l'Éternel. Qu'est-ce qu'il doit faire pour ce peuple? Et nous voyons que la réponse de l'Éternel ne s'est pas fait attendre. Et l'Éternel va lui dire, nous allons lire le verset 5 maintenant. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main la verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Ça, ce sont les instructions que l'Éternel a données. Alors, nous allons voir que dans les passages qui vont suivre, Moïse a exécuté ce que l'Éternel avait demandé de faire. Alors, au regard de cela, on peut d'ailleurs voir que le peuple, en avançant, a eu une solution à sa demande. Et Dieu a dit à Moïse que lui-même, il sera devant lui. Et il se retrouvera sur le mont Horeb. Alors, dans le passage que nous avons lu, comme je le répète encore, j'ai beaucoup aimé la version du Semeur. Alors, je vais vous demander encore de lire le verset 6. Quant à moi, je vais me tenir là devant toi sur un rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, de l'eau en jaillira et le peuple pourra boire. Ok. Merci beaucoup pour le passage. Alors, on voit que il lui a donné des instructions et il lui a même dit que lui, il va l'attendre au mont Horeb. Donc, Moïse, je m'imagine être Moïse dans cette situation où Dieu même me parle. Et maintenant, je dois maintenant agir. Et je ne sais pas si Moïse a dû dire, parce que ça ne se trouve pas dans le temps, s'il a dû dire au peuple ce qui allait se passer, mais je sais qu'il a réuni au moins les anciens et probablement les responsables, disons, et les anciens, et probablement ils avaient été informés de ce qui allait se passer. Mais on ne peut pas dorénavant annoncer qu'il avait informé le peuple de ce que l'Éternel lui avait dit de faire. Et quand ils sont partis, on voit que dans le verset 7, alors on va dire que le miracle s'est produit. Et dans ce verset, Moïse, il est content naturellement parce que vous voyez que quand on a lu dans le verset 3, on disait que le peuple voulait vraiment le lyncher. Et Moïse, ayant vraiment, connaissant bien ce peuple et ayant en tout cas en tête que s'il ne donne pas une solution, naturellement le peuple ne va pas le laisser tranquille, il est allé vers l'Éternel et il a fait sa demande. Et ayant eu l'exaucement à sa prière, alors Moïse est très heureux. Et c'est pourquoi il va donner le nom et Massa et Meriba. Massa qui veut dire querelle et Meriba qui veut dire épreuve. Alors, dans ces deux mots, ce qu'on peut voir d'intéressant, c'est quoi? Dieu a aidé Moïse. Et moi, je trouve que c'est comme en guise de reconnaissance, en guise donc de ce qu'on dit pour avoir en tout cas un souvenir. Et tous les souvenirs ne sont pas naturellement bons. Et que, en tout cas, Moïse a dû chercher ses noms pour que, à chaque fois qu'en tout cas, ils vont penser à cette situation, que le nom puisse les rappeler ce qui s'est passé au mont Horeb. Alors, je le disais tout à l'heure, après être sorti de cette épreuve, et qui a été un miracle vraiment de Dieu et une difficulté insurmontable par l'homme naturellement. Alors, Moïse va décider donc de avec bien sûr l'accord du peuple et des anciens, de trouver un nom, et nom qu'on vient de lire dans le verset 7. Alors, et ce nom qui a, je devine, qui sera gravé, parce qu'on voit que dans toute leur marche, tous les lieux où ils avaient en tout cas engrangé des victoires, ils avaient trouvé un moyen pour en tout cas marquer, c'est comme une stèle qu'ils trouvaient pour vraiment pouvoir garder ça en mémoire. Donc j'imagine que Moïse, avec l'accord du peuple, ils ont dû trouver tous les moyens qu'il fallait, en tout cas pour graver cela, afin de servir de souvenirs pour son peuple. Alors, au-delà de cette joie qu'éprouvait aussi Israël, et après avoir eu bien sûr de l'eau, il faut aussi retenir qu'il y avait une chose. Parce que quand on lit dans le verset 4, Moïse a dit qu'ils veulent, le verset 2. Il dit qu'ils veulent mettre l'Éternel à l'épreuve. Et c'était un moyen aussi pour l'Éternel de manifester sa présence, pour leur signifier que même quand ils traversent ces moments difficiles, lui, il est avec eux. Et on le dit, le verset 7, l'Éternel, parce que les questions qu'ils se posaient, c'était le suivant: l'Éternel est-il au milieu de nous? Ou n'y est-il pas? Donc, c'est une question que le peuple s'était posée. Et c'est comme un moyen pour dire, mais s'il était là, comment on peut vivre cette soif? C'est pas possible. Alors c'était pour dire, je peux caricaturer en fait la conversation, pour dire à Moïse, mais alors, tu nous as dit que ton Dieu que tu sers nous a dit de quitter ce pays. Et nous avons quitté. Et nous sommes dans une situation où on n'a pas d'eau. Et tu nous dis encore qu'il est là. Mais où est-il? Qu'il agisse. On voit tout de suite qu'ils avaient vite oublié les deux grands événements majeurs qu'ils avaient traversés depuis la sortie d'Égypte. Ça veut dire quand l'Éternel a mis la mer à sec pour qu'ils traversent. Et quand ils avaient vraiment fait, ils ont demandé à manger et Dieu les a donné aussi. Bon, ce premier miracle se trouve dans le chapitre 14 que nous n'allons pas lire. Et le deuxième, et à savoir quand l'Éternel a donné de la manne et puis les cailles à manger. Et ça se trouve dans le chapitre 16 que nous n'allons pas aussi lire. Mais c'est pour dire que le peuple avait vite oublié tous ces miracles que l'Éternel avait accomplis à leur endroit. Maintenant, ils se demandent encore, est-ce que cet Éternel-là, il est là? Parce que s'il était là, quand même, c'est lui, il doit agir. Et le peuple, en disant cela, va naturellement se tourner vers le leader qui était Moïse. Et Moïse aussi, qui vraiment, il faut le reconnaître, était attaché à Dieu. Parce que, en lisant le verset 4, j'étais vraiment réjoui de voir que Moïse n'a pas été par quatre chemins. On dit qu'il a crié à l'Éternel. Donc, Moïse a su que la référence ici, là, dans cette situation, si ce n'est pas Dieu, c'est impossible. Parce que lui, en tant qu'être humain, il avait aussi soif comme ceux qui lui réclamaient de l'eau à boire. Alors, donc, comment on dit généralement qu'on ne peut donner que ce qu'on a? Mais si on n'a pas quelque chose, on nous demande, ça devient impossible de répondre aux besoins de la personne qui demande. Et j'imagine que Moïse était dans cette situation. Mais ce qui me plaît, c'est qu'on ne nous dit pas qu'il a douté. Ça veut dire que Moïse avait au moins la certitude que s'il crie à l'Éternel, l'Éternel va trouver la solution qu'il faut pour tout le peuple. Et c'est ce qu'il avait. Alors, au regard de ce passage, donc nous pouvons retenir un certain nombre de choses. Ça veut dire d'abord que le peuple était dans une situation d'épreuve, le manque d'eau. Et en deuxième lieu, le peuple va exprimer une demande. Et en troisième lieu, Moïse va invoquer l'Éternel pour donner une solution à la demande. Quatrièmement, l'Éternel a donné une réponse. Et cinquièmement, maintenant, le peuple ayant eu, en tout cas, un exaucement à son vœu, donc va, et j'allais dire entre guillemets, faire une action de grâce. Et l'action de grâce, c'est le fait de se réjouir et même de trouver un nom, parce que le fait de trouver un nom et traduit cette idée naturellement que vraiment le peuple avait pensé garder ceci comme un acte qui devait entrer dans leur histoire. Alors, au-delà de ces éléments cités, on voit que, bon, peut-être certains se sont posé la question pourquoi aller choisir un passage non seulement dans l'Ancien Testament, mais aussi sur l'histoire d'un peuple qui a existé même avant Jésus-Christ. Enfin, j'ai dit avant Jésus-Christ, ça c'est dans l'historique. Il faut que je clarifie. Mais on sait que Christ a existé même avant la création. Donc, mais c'est pour parler de l'histoire maintenant, pour situer dans le temps que les historiens utilisent. Alors, je peux dire que ce passage a une double importance, à mon avis, parce que au-delà du fait que ce soit une histoire que les enfants d'Israël ont vécu, nous, en tant que communauté, en tant que, j'allais dire, même en dehors de la communauté, en tant que personne, en tout cas vivant sur la terre, nous vivons à peu près les mêmes choses. Et nous sommes toujours confrontés aux difficultés et aussi nous sommes appelés à chercher des solutions. Alors, à la lecture donc de tout ce passage et autour des analyses que nous avons pu faire jusque-là, donc nous pouvons retenir que ce passage a permis au peuple de connaître ou de cerner, si vous voulez, quelle était, en tout cas, encore une fois de plus, la capacité de Dieu. Et naturellement, même eux ne voyaient pas Dieu physiquement, parce que si on lit l'histoire après, on va voir qu'à un moment donné, même, ils ont commencé à s'ériger des choses pour pouvoir matérialiser ou représenter Dieu. Et c'est ce qui fut aussi une étape bien fatale pour certains à ce niveau. Mais c'est pour dire que ce peuple qui était en quête ou dans cette soif aussi de savoir si Dieu était vraiment dans leur marche et nous inspire. Et tout de suite, on peut être amené à penser que mais ce peuple était vraiment ingrat. Dieu, après les avoir fait sortir du pays, à travers vraiment tous ces miracles qui sont opérés dans le pays avant qu'il quitte. Et après, pour traverser la mer, tout le monde le sait, c'est pas vraiment. Je ne vous apprends rien en disant que c'est très difficile et on ne peut pas imaginer quelque chose de ce genre à pied. Alors, mais le peuple l'a fait. Tout cela parce que Dieu était au volant. Et dans ce passage aussi, on voit que Dieu a donné une solution à ce peuple. Et l'histoire a beaucoup, en réalité, une similitude avec notre vie. Qu'est-ce qui se passe? Nous sortons, nous partons au travail ou d'autres à l'école et nous sommes toujours confrontés à des problèmes qui n'ont peut-être pas une ressemblance directe avec cette situation. Mais toujours est-il que chacun est confronté d'un moment à l'autre à un problème. Et souvent, on est même d'accord que si ce n'était pas Dieu là, ça c'était difficile. Je ne pouvais pas imaginer comment je pouvais faire ça. Ou on a échappé à un accident. Ou on a échappé à une situation qui pouvait vraiment mettre une atteinte grave, porter une atteinte grave à notre intégrité physique ou même morale. Mais d'une manière ou d'une autre, nous arrivons à revenir et à dire en fin de la journée, nous respirons fort et nous disons vraiment l'Éternel nous a secouru. Alors, en lisant ce passage, et dans l'histoire du, pardon, des Israéliens, alors nous retenons que les enfants d'Israël ont des traits qu'on peut retrouver aussi dans le Nouveau Testament, à savoir par exemple les 40 années qu'ils ont passées, et qui se rappelle de quelque chose qui s'est passé dans le Nouveau Testament et qui parle de 40, du chiffre 40. Voilà, Jésus a jeûné 40 jours. Et alors, quand on prend le passage, on voit que Moïse était le leader. Et Moïse, à la suite de ce passage, va signer l'alliance avec l'Éternel. Et Jésus aussi a été celui qui a, et en tout cas, je peux le dire de façon diplomatique, signé l'alliance ou l'accord ou le traité, si vous voulez, avec Dieu pour ce qui concerne la nouvelle alliance. C'est lui qui a payé au prix de son sang pour que nous puissions avoir cette alliance en bonne et due forme. Donc, vous voyez, et si on prend, vous allez voir que Moïse, autant il a été pour intercéder, il a fait toute cette démarche auprès de Dieu, c'est ce que aussi Christ a manifesté. Et bon, je sais que quand on lit dans le Nouveau Testament, surtout Matthieu qui un peu donne cette image de comment on peut retrouver ces ressemblances entre le Nouveau Testament et l'Ancien. C'est pour un peu dire que même si le Nouveau Testament, on pense que c'est la Nouvelle Alliance, mais on a besoin beaucoup, surtout même, de l'Ancien Testament pour comprendre certaines choses qui se passent dans le Nouveau. Et même les prophètes ont annoncé l'avenir et la signature de la Nouvelle Alliance. Des choses qui s'est aussi déroulée avec donc, la mort de Christ sur la croix. Alors, chers frères et sœurs, j'ai déjà été beaucoup long. Alors, ce que je voulais que nous ayons en tant qu'enfants ce matin, c'était de savoir que nous avons chacun des moments aussi de difficultés. Donc, pendant nos difficultés, pensons que nous sommes dans le désert. Nous sommes dans le désert. Et quand nous traversons ce désert, ça peut être beaucoup de raisons. D'autres, c'est peut-être la recherche désespérée du travail. Certains aussi, c'est peut-être les échecs scolaires. D'autres aussi ont vraiment projeté des trucs qui ne se réalisent pas. Et d'une manière ou d'une autre, nous devons garder à l'esprit que quand nous traversons ces moments difficiles, ces moments pénibles, que ce n'est pas que Dieu n'est pas avec nous. Dieu est toujours là et il sera là. Maintenant, face à ces difficultés, notre réaction est très déterminante. Qu'est-ce que nous faisons de la difficulté? Quelle analyse faisons-nous de ce que nous vivons? Est-ce que nous pensons que nous vivons trop? C'est-à-dire que la difficulté nous a été tellement imposée de sorte que ça soit un fait que Dieu ne nous aime pas? Non. Ou nous prenons notre difficulté comme un moyen pour être plus édifié, pour être plus forgé, afin de vivre encore des expériences avec l'Éternel. Alors, en se posant ces questions, nous retombons encore dans ce passage. La réaction du peuple. J'imagine que le peuple, face à cette difficulté, pouvait se concerter et puis dire, mais voyons, jeûnons, prions, demandons à l'Éternel de nous donner de l'eau, puisque c'est lui qui nous a fait sortir de l'Égypte. Mais le peuple a préféré dire, ah, toi Moïse, tu vois ce que tu nous as fait? Nous avions pensé que tu nous aimais quand même. Mais on ne pouvait pas penser que tu puisses nous faire ça. Nous faire sortir d'un pays où on avait à peu près tout, même si on souffrait, pour venir rester dans ce désert où il n'y a même pas à manger comme on veut. Ben, quelque part, nous on dit qu'ils avaient des concombres, ici, tout ce qu'ils mangeaient était vraiment de. Hein? Donc, et le peuple n'a pas fait ça. Il a dit à Moïse de trouver la solution. Et souvent, il nous arrive aussi de faire ça. Nous avons une situation. Au lieu d'abord de prier, nous nous levons et nous partons, nous commençons à prendre, en tout cas trouver un bouc émissaire n'importe où il se trouve, pour dire que bon, si telle chose m'arrive, c'est parce que telle personne a fait ceci. Lui, il a dit cela, il a fait cela, et c'est pourquoi moi je souffre, sinon je n'allais pas souffrir. Mais je suis certain d'une chose, si la situation est arrivée, ce n'est pas le moment d'accuser quelqu'un. Mais la vraie chose à faire, c'est de commencer maintenant à dire comment je peux faire pour sortir de la situation. Sinon, le temps que nous allons passer, par exemple, à accuser ou à trouver, en tout cas, quelles que soient les raisons que nous allons essayer de trouver pour justifier la situation, ces raisons ne vont pas nous faire avancer. Mais si nous nous interrogeons sur la difficulté que nous vivons, peu importe le temps que cela va durer, Dieu certainement répondra. Et évidemment, s'il l'a fait avec ceux qui nous ont précédés, il va encore le faire, car il n'est pas un homme pour se dédire. Il a dit qu'il sera là avec nous, tant dans le moment de joie que dans le moment de difficulté. Et donc, c'est ce que je voulais en tout cas partager et avec vous ce matin, et tout en vraiment précisant que en réalité nos difficultés ne sont pas nécessairement, parce que souvent aussi on le pense, nos difficultés ne sont pas nécessairement des fautes qui, disons, dues au fait que nous ayons commis des fautes ou nous ayons péché. Les difficultés peuvent être un moyen que Dieu trouve pour nous édifier. Et je ne sais pas s'il y a des forgerons ici, mais on sait que le forgeron, quand il prend le fer, bon, ça c'était avant maintenant qu'on ait l'industrie, il va aller dans le rocher, il va brûler vraiment, et puis enfin il va extraire le fer, qu'il va travailler pour modeler et faire ressortir en tout cas un article d'art auquel il a pensé. Donc c'est pour dire que sans cette épreuve, il ne peut pas accéder à la matière, en tout cas finie. Donc pour que Dieu aussi puisse nous utiliser comme matière finie ou produit fini si vous voulez, il faut que nous soyons éprouvés. Et nous ne devons pas perdre de vue que si nous passons ces moments de difficulté, que nous devons prier. Et la prière, elle doit être ce que nous faisons, quelle que soit notre situation. Et ainsi, quand nous serons dans le désert, nous serons vers où nous diriger. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et je prie que vous et moi, que nous ayons ce courage, cette patience et ce réflexe surtout de nous diriger vers l'Éternel quand nous sommes face à des problèmes ou quand nous traversons notre désert. C'est sûr, on ne peut pas être un enfant de Dieu sans vivre ces difficultés. Ce n'est pas possible. Et moi, j'imagine que celui qui vit vraiment sans difficulté, lui-même, je ne sais pas, mais il doit s'interroger, est-ce que vraiment ça va? Parce que, quelle que soit la difficulté, on va en trouver. Peut-être le degré ne sera pas le même que les autres, mais les difficultés, on en trouvera toujours. Donc, que l'Éternel nous aide à être victorieux face à n'importe quelle situation à laquelle nous faisons face et à pouvoir aussi rester dans sa volonté. Parce qu'il ne suffit pas de trouver une solution, mais de trouver la solution pérenne. Et la solution pérenne, elle se trouve toujours dans les mains de notre Seigneur. Demeurez bénis.